Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui préoccupe beaucoup les enseignants en Belgique francophone. Comment les élèves apprennent-ils vraiment à utiliser la rétroaction? T'accueille un expert qui travaille sur cette question depuis plusieurs années. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. C'est effectivement un sujet qui me passionne parce qu'il touche à quelque chose de très concret dans les classes. Alors, d'entrée de jeu, une question basique. Pourquoi parler de la rétroaction? Tous les enseignants donnent de la rétroaction? Non. C'est vrai, mais il y a un paradoxe fascinant. Plus les enseignants donnent de commentaires, de corrections, de notes, plus eh bien, les élèves peinent à en tirer profit. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du feedback. Le paradoxe du feedback? Expliquez-moi ça. Imagine un élève qui reçoit un devoir avec des annotations partout. Le prof a travaillé dur. Il a écrit des choses pertinentes, mais l'élève regarde ça, ne comprend pas vraiment ce qu'il doit faire, et voilà, le commentaire ne sert à rien. Donc le problème, ce n'est pas que la rétroaction soit mauvaise? Non, exactement. Le problème, c'est que les élèves ne savent pas comment la traiter. Personne ne leur a vraiment appris. Comment ça? Personne ne leur a appris? Ça semble basique? Non. C'est ça qui est intéressant. On suppose tous que les élèves savent naturellement quoi faire d'un commentaire écrit en rouge dans la marge. Mais la recherche montre que c'est faux. Vous me donnez un exemple concret? Bien, suivant. Un enseignant écrit développe davantage sur une copie. Est-ce que l'élève comprend vraiment développer quoi? Vraiment? Avec quel type d'argument? L'élève n'en a souvent aucune idée. C'est surprenant, quand même. On croirait que c'est évident. C'est ce qu'on pense tous, et c'est pour ça que ça pose problème. On ne l'enseigne pas assez explicitement. On la suppose acquise, mais elle ne l'est pas. Alors, si on ne leur apprend pas, qu'est-ce qu'il se passe? Certains élèves se débrouillent malgré tout, mais d'autres, ils stagnent. Ils reçoivent les mêmes commentaires que leurs camarades, mais ils ne progressent pas. Et ça, c'est lié à quoi selon vous? À ce qu'on appelle la littératie à la rétroaction. C'est un terme académique pour dire l'ensemble des compétences qui permettent de tirer profit d'une critique. La littératie à la rétroaction, c'est composé de quoi? Plusieurs éléments. D'abord, il faut décoder le message, comprendre ce que l'enseignant dit vraiment. Ensuite, identifier ce qui est prioritaire, parce qu'on reçoit souvent plusieurs commentaires à la fois. Oui, c'est vrai. On ne peut pas tout corriger d'un coup. Exactement. Donc, il faut savoir sur quoi se concentrer. Puis, il faut traduire ça en action concrète. Développe davantage ne suffit pas. Il faut savoir comment. C'est vrai que c'est un processus, finalement. C'est exactement ça. C'est pas passif du tout. La rétroaction n'est pas quelque chose qu'on reçoit passivement. C'est quelque chose qu'on doit activement traiter. Et si on n'a pas ces compétences? Eh bien, même la rétroaction la plus pertinente reste lettre morte. C'est simple comme ça. Donc la première question qui se pose, c'est par où on commence? À quel moment on apprend ça aux élèves? Bonne question. Je dirais qu'il faut commencer très tôt. Et la maternelle, il y a des choses à faire. Dès la maternelle, ça me semble très jeune. Oui, mais pensez à ça. À 6 ans, un enfant se forge déjà des croyances sur lui-même et sur l'apprentissage. Si un enfant croit que c'est normal de se tromper, que l'erreur c'est une étape, ça change tout. Vous parlez de la mentalité de développement, c'est ça? Voilà. Loin qu'à montrer que les croyances des enfants sur leur capacité se forment très tôt. Si un gamin de 8 ans croit que ses talents sont fixes, figés, il va développer une aversion pour la rétroaction. Une aversion pour la rétroaction? Comment ça fonctionne? Si tu crois que tu es nul en maths et que c'est permanent, pourquoi tu écouterais les conseils pour t'améliorer? Ça ne servirait à rien, selon toi. Donc, tu fermes les portes. C'est déprimant, dit comme ça. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. Si on apprend aux enfants que l'erreur est normale, que c'est comment on apprend, tout change. Et comment on fait ça? Concrètement, en classe. Par le langage, d'abord. Au lieu de dire « tu es mauvais en lecture », on dit « tu as progressé depuis la dernière fois ». Regardons ensemble. Simple mais puissant. Exactement. Et puis, il faut aussi montrer à l'enfant comment on utilise la rétroaction soi-même. Les enfants apprennent beaucoup en regardant. Donc l'enseignant doit modéliser le comportement? Complètement. Si l'enseignant reçoit une remarque sur sa pédagogie et qu'il dit « Ah, intéressant, je vais essayer ça », les élèves voient que c'est normal de recevoir des critiques. C'est vrai, l'exemple vaut mille paroles. Voilà. Donc, au fondamental, c'est vraiment ça. Poser des bases. Créer une attitude favorable envers la rétroaction. Et au secondaire, ça change, parce qu'il y a des élèves plus âgés qui ont peut-être déjà des croyances bien ancrées. Oui, mais c'est pas trop tard. Au secondaire, on peut aller beaucoup plus loin sur le plan technique. Comment ça? Eh bien, un adolescent peut apprendre à décoder précisément le sens d'un commentaire. Il peut apprendre à poser des questions pour clarifier. Il peut gérer les émotions que suscite la critique. Les émotions, c'est important? C'est crucial. Beaucoup d'élèves reçoivent une rétroaction négative et ça déclenche de la frustration, de la honte, de la colère. Ça ferme le cerveau à l'apprentissage. C'est tout pour cet épisode. La suite au prochain. À très bientôt.